racine à peine en tête, moi. Vini, j'y cambou, douette, moi. Enchanté, l'amour. Chez moi, Jacques Serré. Racine la peine en tête, moi. Glou, qu'a monté dans yé, moi. Enchanté, l'amour. Vini, wambou, douette, moi. S'il faut moins chanter, plairé en cri, plairé. Ti mama e kamo nou ka fè wan pa wè yo ni mon ka soufè ni dot ka pran pye yo racine la vie en tête mwen la musique en bout dwèt mwen c'est en bou l'espoir. Adam, tu es moins. S'il faut moins chanter.